Cours Legendre accompagne la scolarité de votre enfant à domicile et en visioconférence avec nos cours particuliers par des professeurs de l'éducation nationale, nos stages intensifs de révision et nos classes préparatoires aux écoles de commerce. Retrouvez-nous sur cours-legendre.fr. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique. Depuis la nuit des temps, l'équipe de Allegro Manon Troppo, Bifugue Mi-Raisin, Le Cri du Homard, Les Décraqués et Des Papous dans la Tête, équipe menée par Bertrand Jérôme et Françoise Tressard, s'est intéressée aux dictionnaires, à toutes sortes de dictionnaires et bien sûr aux dictionnaires les plus farfelus. Farfelus, voire. Le 17 juillet 2000, une équipe des Décraqués devait remettre en question bien des idées reçues. Bonjour, 13h30, Les Décraqués, cette semaine... Pour un dictionnaire différent de tous les autres. Première séance de notre session d'été pour un dictionnaire particulier... qui comporte, entre autres, la recherche de l'origine possible de certains mots dont on soupçonne qu'ils étaient à l'origine des noms de personnes. Et on le sait pour sandwich, par exemple, oui. Poubelle, ou pourquoi pas pour le mot lion. Alors, Henri Cueco. J'ai recueilli une légende. Je vais vous lire la légende que j'ai recueillie. La légende dit que c'est un vrai lion qui donna son nom à la famille Lion. À l'origine, les lions que nous connaissons aujourd'hui s'appelaient lapins. À cause de leurs grandes oreilles et de leur goût pour l'écosse de chou-fleur qu'ils dévoraient toutes crues. J'ai entendu parler de ça. Le père lapin cultivait d'immenses champs de chou-fleur. Un jour, à l'ombre d'un chou, il trouva un énorme animal blessé qui demandait asile. Il l'accueillit. Et il fut convenu qu'en raison de son état, il y aurait une trêve et que l'animal serait nourri de chou-fleur jusqu'à sa guérison complète. L'animal fut heureux chez les lapins, et chacun se préoccupa de sa santé. Lorsqu'il fut remis, il accompagna le père lapin au champ, et comme il était fort, il rendit de grands services en apprenant à lier les choux-fleurs. Et le père lapin, chaque matin, commençait la journée en disant « Amis, lions les choux-fleurs ». Et c'est ainsi que le lion s'appela Lion, et non chou-fleur. L'histoire eut une suite. Monsieur Lion s'est pris de Madame Lapin, l'épousa et dévora Monsieur Lapin. Après quoi, ils eurent beaucoup d'enfants, plutôt sots qu'on appela lionceaux. C'est une fin stendhalienne qui servit de modèle aux chroniques italiennes. Oui. Bon, on peut voir les choses comme ça, oui. Enfin, c'est un apport intéressant, c'est une légende quand même. C'est une légende. Oui, oui. Oui, oui. Pas très fondée, mais enfin... Oui, mais toutes les légendes sont fondées. Oui. C'est comme ça que les mythes ont existé. Le lion était certainement effrayant, il fallait inventer une histoire... pour le rendre plus intéressant. Plus sympathique. Plus sympathique. Et là, il est très sympathique. C'est vrai. Oui. Enfin, il dévore M. Lapin, quand même. Ben oui, mais il le dévore vite, dans mon texte. Christian Zemmer. Il ne le fait pas souffrir. J'ai su que le lion est... M. Lion est le créateur de la gare d'Austerlitz. C'est tout ce que j'ai trouvé. Ah bon? Ça, c'est bien. Pourquoi pas? Alors, autre recherche, l'origine possible de certaines expressions du langage familier. Aujourd'hui, eh bien, avoir les chocottes. Serge Joncourt. Avoir les chocottes vient de, tout naturellement, avoir les cocottes. Ça découle d'une vieille disposition au Moyen-Âge qui consistait à mettre des poules autour de sa maison le soir pour prévenir de toute intrusion. Pour prévenir qui, d'abord? Oui, bah, permettez que je développe un tout petit peu, quand même. Mais elles restaient à la place où on les avait mises. Exactement. On les collait. Et en aucun cas, on attachait le ganis lacé. Donc, il était disposé autour de sa maison et il se manifestait dès lors qu'il se passait quelque chose, comme vous vous doutez. Alors, c'est d'ailleurs à cette occasion qu'on a inventé le réveil sur les coups de 5 heures. grâce au coq. Alors, par contre, quand en pleine nuit, on entendait les poules se manifester, on se réveillait donc en sursautant et on se disait que c'était les cocottes. Bien sûr, c'était les cocottes, c'est les cocottes. Alors, de là l'expression aussi qui sert à qualifier une personne qui se met à voir les cocottes, dès lors qu'elle n'entend pas la moindre manifestation du gallinacé, qui plus est en plein jour, autrement dit, on dit de cette personne qu'elle a les chocottes. Et par conséquent, que c'est une chochotte. Alors, si donc la chochotte qualifie... Non mais c'est très court, j'aimerais toute votre attention. Qualifie celui ou celle qui se met à voir les cocottes à tout bout de champ, sans raison apparente. Avoir les chocottes qualifie donc celui qui a très précisément peur, ou il est justifié qu'il ait peur. Ah donc c'est normal, enfant. On a peur, on a les chocottes. Voilà, c'est donc ce qui est normal. Vous avez compris, c'est magnifique. La chochotte étant celle qui... ou celui... pardon. On dit un chochotte ou une chochotte? On dit un chochotte aussi. Un chochotte, oui, bien sûr. Masculin et féminin. En tout cas, on me l'a dit souvent. Enfin, je veux dire... Autre chose, oui, Gilbert Lascaux. Un roman d'aventure est publié en 1929, Un cyclone à la Jamaïque, de Richard Hughes. Je cite une phrase qui a été traduite en français, mal traduite. Sous les tropiques, sur le navire des pirates, des adolescents pervers, fiévreux, s'approchent des côtes brûlantes. Émilie parle au capitaine des pirates. Les côtes chaudes m'excitent et je grelotte. Dans mon cœur, j'ai les chaudes côtes. Cette phrase, mal traduite, a amusé certains élèves des années 30. Avoir les chaudes côtes. Ouais, c'est pas une si mauvaise traduction. Hein. Ouais, c'est une piste, c'est une piste, ça. L'accent était bon. Oui. Quéco, alors... Moi, c'est, c'est historique. Votre piste, à vous. Parce historique. Que vous prétendez que le travail de vos camarades... est moins historique que le mien, en tout cas. Avoir les chocottes signifie avoir en poche des chocottes, c'est-à-dire des louis d'or. Fuyant la Révolution, Louis XVI et sa famille s'étaient remplis les poches de chocottes. Certaines de ces pièces furent cousues dans l'entrejambe du pantalon, ce qui explique que longtemps on utilisa ce terme pour désigner les testicules qui se situaient dans les parages. Ça nous aurait étonné. Bah écoute, y a des matériaux qu'il faut utiliser. C'est à Varennes que les pièces, sous l'effet de la peur qui les entrechoquait, d'ailleurs vous remarquez que chocotte et choqué, c'est la même chose, c'est là l'origine de mon travail et non pas des bêtises comme vous l'insinuez. C'est à Varennes que les pièces, sous l'effet de la peur qui les entrechoquait, se mirent à sonner un carillon funèbre. Ce carillon qui, dit la légende, se mettait à sonner comme un glas de Notre-Dame et qui fit qu'on reconnut le roi. Dépourvu de ses chocottes, peu après le roi perdit la tête. Une citation. Oui, ils furent pris. Un raccourci terrible. Bah oui, mais c'est l'époque. Hein. C'est l'époque qui veut ça. Ils furent pris, alors que le roi, main dans la poche, s'efforçait d'arrêter le carillon de ses chocottes. Abbé Lascaux, palefrenier du roi. Ah, c'est une référence. Oui, j'ai une explication. On a parlé de Louis XVI, mais qui remonte à Louis XIV. Que les chocottes à l'époque désignaient tout autre chose que ce que vous avez indiqué, mais on est dans le même ordre d'idée quand même. C'est un petit meuble de marqueterie du XVIe siècle. Moi, ils n'auraient pas pu mettre un meuble dans les culottes. Mais vous allez voir, c'est un petit meuble que Louis XIV offrait à ses favorites une fois qu'elles avaient été honorées par le roi. Donc, toutes les courtisanes et prétendantes, évidemment, vivaient dans l'espoir d'un jour se voir offrir des chocottes de la part du roi. Mais dès lors qu'elle possédait ses chocottes, elle n'avait qu'une crainte, c'est qu'elle soit supplantée dans la couche royale par une autre courtisane. D'où l'expression « j'ai les chocottes », c'est-à-dire « j'ai été gratifié », mais en même temps, j'ignore mon destin. Ben oui. On conteste ces propositions. Emmanuel Brouillard. Pour moi, les chocottes, c'est une déformation de chicot. À l'origine, avoir les chicots, c'était... on avait les chicots parce que quand on avait les chicots, on tremblait d'être désigné par le racheur de dents pour lui servir de cobaye. Pour lui servir de cobaye. De cobaye, c'est joli, de cobaye. On pourrait faire quoi. Il y en a vraiment beaucoup d'intéressants aujourd'hui. Pour éprouver son courage, l'arracheur de dents disait à sa victime « Je suis sûr que toi, tu as les chicots ». Celui-ci, qui n'en menait pas large, répondait par la négative en tremblant. Le trait du mensonge a été transféré du patient vers l'agent selon un processus courant dans l'évolution linguistique. C'est ainsi que s'est forgée l'expression « mentir comme un arracheur de dents ». Mais en réalité, celui qui mentait, c'est celui qui avait peur, celui qui avait les chicots. Puis les chocottes par une déformation que je ne peux pas expliciter. Ça arrive, hein, une déformation. Diachronique. Ça serait bien que vous l'explicitiez. Certes, j'aurais aimé l'expliciter, mais je ne suis pas en mesure de l'expliciter. Ah, c'est dommage. C'est un peu ce qu'on attendait. Mais... C'était Les Décraqués, pour un dictionnaire différent de tous les autres, par Bertrand Jérôme et Françoise Trossard, avec Henri Cueco, Serge Joncourt, Gilbert Lascaux et Emmanuel Brouillard. Réalisation Monique Bailly, première diffusion sur France Culture le 17 juillet 2000. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.